Frédéric Sauzer, plus connu par son pseudonyme Blaise Sandrars, est un écrivain français d'origine suisse, né en 1887 à La Chaux-de-Fonds. Voici d'abord un court poème, dont je n'ai pu retrouver la date de composition, publié en 1957, 4 ans avant la mort du poète, dans le recueil intitulé « Du monde entier au cœur du monde ». Le ventre de ma mère. C'est mon premier domicile. Il était tout arrondi. Bien souvent, je m'imagine ce que je pouvais bien être. Les pieds sur ton cœur, maman, les genoux tout contre ton foie, les mains crispées au canal qui aboutissait à ton ventre. Le dos tordu, en spirale, les oreilles pleines, les yeux vides, tout recroquevillé, tendu, la tête presque hors de ton corps. Mon crâne, à ton orifice, je jouis de ta santé, de la chaleur de ton sang, des étreintes de papa. Bien souvent, un feu hybride électrisait mes ténèbres, un choc au crâne me détendait, et je ruais sur ton cœur. Le grand muscle de ton vagin se resserrait alors durement, je me laissais douloureusement faire, et tu m'inondais de ton sang. Mon front est encore bosselé de ces bourrades de mon père. Pourquoi faut-il se laisser faire ainsi, à moitié étranglé? Si j'avais pu ouvrir la bouche, je t'aurais mordu. Si j'avais pu déjà parler, j'aurais dit « Merde, je ne veux pas vivre ».